L'Indien et l'Anglais. Histoire vraie. Les Indiens firent un jeune Anglais prisonnier. Ils l'attachèrent à un arbre et voulurent le tuer. Un vieil Indien s'approcha et dit: Ne le tuez pas, donnez-le-moi. On le lui laissa. Le vieil Indien détacha le jeune homme, l'emmena dans sa cabane, le fit manger et lui donna l'hospitalité pour la nuit. Le lendemain matin, l'Indien ordonna à l'Anglais de le suivre. Ils marchèrent longtemps, et lorsqu'ils furent près du camp anglais, l'Indien dit au jeune homme: Les tiens ont tué mon fils. Moi, je te sauve la vie. Retourne auprès d'eux. Va et continue de tuer les nôtres. L'Anglais parut surpris et répondit: Pourquoi te moques-tu de moi? Je sais que les miens ont tué ton fils. Tue-moi donc au plus vite. L'Indien alors reprit: Quand on voulait le tuer, je me suis rappelé mon fils, et cela m'a ému. Je ne me joue donc pas de toi. Va chez les tiens et tue-nous si tu veux. Et l'Indien laissa partir l'Anglais.